racontait. J'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rire sur l'écran est tombé. À vous de faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier qui finira en garage. En building supermarché, il n'a plus de chance. C'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Et pour une fois, bon que j'aimais, le son il est pourri. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les héros que j'aimais. L'entracte terminé. Fist.